Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Bérine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand la création raconte le sida, une série de Didier Rod-Bettoni réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un auteur qui devient documentariste, avec ses souvenirs et ses morts. Il y a aussi des images, des films, des textes et des chorégraphies qui constituent la mémoire du sida. Il y a une génération sacrifiée, de la politique, de l'activisme et des mots qu'on n'oubliera pas. T4, Kaposi, Séropo, Cancer Gay, AZT, Act Up. Mais il y a aussi des archives qui manquent et d'autres qui abondent. De ces journaux intimes rescapés de la grande peste, souvent écrits à la première personne et qui constituent aujourd'hui la trame de l'histoire de l'épidémie. Alors pour commencer, les personnages. Des héros, de jeunes vieillards, des mourants, un écrivain et sa bande-son, un auteur qui scrute sa maladie, un cinéaste qui a tout juste eu le temps de finir son film, un autre qui ne voulait renoncer à rien, un auteur qui écrit un journal, des amis éplorés, un œil qui filme tout et des hommes revenus d'entre les morts. Ensuite, le décor. Des 33 tours, fréquence gay, le besoin de s'étourdir, la transe, des boîtes de nuit, de la tragédie, le triangle des Bermudes nocturnes du marais, des hangars, des champignonnières, de la drogue, des chambres d'hôpital, des dernières fois et des images d'Egon Schiele. Aujourd'hui, premier épisode, on ressort les vieux disques. C'était une maladie très riche, ambitieuse, idéale, exemplaire, laquelle pouvait atteindre le cerveau. Le système nerveux, l'appareil digestif, les yeux, les poumons, le cœur, la peau, les muqueuses, tous les organes, les muscles, occasionnaient une variété infinie d'infections. La tuberculose, la toxoplasmose, la pneumocystose, des cancers, des lymphomes, toutes les septicémies, toutes les infirmités qui libéraient tous les microbes, des parasites, des champignons qui imposaient avant la mort la cécité, la cachexie, l'anorexie, l'incontinence, paralysie et asphyxie. Dan. Agnès. Patrick. Driss. Ali. Alain. Eric. Juan. Kevin Gagnol. Jean-Christophe. Christian, décédé mercredi. Le premier déclic, c'est quand même une fascination pour ces héros qui ont été touchés par ce fléau. Je dis héros et c'est. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'événement qui va plus changer un être, je crois. Et cet événement presque collectif, il est. Il est fascinant, comme les cataclysmes, comme toutes les violences qui sont racontées dans Shakespeare, comme toutes les pièces de tragédie antique. C'est une pure tragédie, c'est de la tragédie à l'état pur. Quand la création raconte le sida, dire sa vie, dire sa mort, Didier Rod-Bettoni, Nathalie Battus. L'appel auquel on a tous répondu, c'est celui-là. Todd Terry. Ça n'a l'air de rien, mais c'était quand même une révolution totale sur le dance floor. On sortait de Rhythmics, Pet Shop Boys, des choses assez pop finalement, et puis tout d'un coup il y avait cette déferlante très très suivante. Vincent Borel. Tous les disques sont encore derrière, là. Il y a une bonne dizaine de tiroirs qui contiennent tous les CD de l'époque et les vinyles sont à la cave. J'ai pas assez de place pour les monter. Mais c'est un livre qui s'est écrit avec des cassettes de mix. Merci Patrick Rognan pour tous ces mix du soir sur FG où on entendait Eddie Declercq, on entendait Rock, on entendait Lisa Nélias. on entendait vraiment tous les grands noms de la scène musicale de l'époque qui passaient en studio et qu'on retrouvait après en fait, mais on était des dizaines à appuyer religieusement sur le bouton tape recording pour toute la semaine encore jouir de cette musique-là. Et ce livre-là, je l'ai écrit avec ces musiques-là, avec ces mix, aux grandes dames des voisins de l'époque qui m'avaient marre d'entendre du train score à 2h du matin. C'était un peu bruyant quand même. C'est la danse et la transe qui sont au cœur du livre. C'est une échappatoire. Trouver une porte de sortie par rapport à cette mort qui nous talonnait. Je rappelle que Ruban Noir, c'était un livre qui a été écrit avant les trithérapies. Donc on avait surtout la mort qui galopait derrière, qui était quelque part dans l'arrière-office du cerveau et qui attendait. Donc en même temps, c'est pas une course poursuite, c'est pas une course à l'abîme, il y a rien de suicidaire. Quelque part, le suicide, pour moi, il a été avant. Il a été au moment de la contamination, il a été dans des moments d'un pacte faustien extrêmement étrange avec le sida. Comme une génération qui a conclu un pacte des plus difficiles, on va dire, sur le sujet. Mais quand la transe, quand la découverte de la hausse s'est faite, je pense qu'on a été nombreux à arriver au paradis, c'est-à-dire qu'on est tombé dans un endroit où enfin on était au calme. On était au calme, dans l'euphorie. Ce n'est pas qu'on oubliait cela, mais on était capable de le surmonter enfin avec courage et avec beaucoup d'énergie. On retrouvait beaucoup d'énergie. Et en général, ceux qui suivaient après, ce qui était assez amusant, si je retrouve mes disques que j'ai mis qui sont là, voilà. Le DJ a oublié sa platine de mixage, comme vous pouvez le remarquer. On aurait presque envie de danser, mais on ne pourra pas nous montrer en train de danser. Ça, c'était vraiment, c'était les années triomphantes, c'était les années 90, de session on a fait les fous en allant, non pas dans les boîtes de nuit qui à Paris à l'époque étaient un peu exiguës, ça fonctionnait pas bien, cette musique-là n'était pas, c'était une musique à PD aussi souvent, donc ça passait pas certains murs. On se retrouvait dans des champignonnières, dans des forts abandonnés, dans des hangars, au fin fond des clairières pour inventer quelque chose de nouveau. Qui reposait sur, techniquement, sur pas grand chose en fait. C'était des enceintes, c'était un bon matériel de mixage, des DJ brillants et une belle ambiance et des bons produits. Faut le dire quand même, cette culture-là, c'est la rencontre entre une musique, une génération et une drogue. Et une drogue qui est le MDMA, qui est l'ecstasy, donc qui est une drogue d'empathie, qui est une drogue de réunion. Ça a peut-être détruit aussi, mais ça a sauvé des esprits, ça a sauvé des amitiés, ça a fondé des groupes de gens, et ça a révélé aussi des artistes. En 1995, Vincent Borel signe son premier roman, Un ruban noir, histoire d'une jeunesse, la sienne, au temps du sida. Ce roman intime, où il donne à lire douleur, pathologie, traitements inefficaces, solidarités amicales et communautaires, peurs, espoirs et colères, est aussi le roman d'une génération qui s'étourdit dans la musique, la fête et les drogues pour oublier la mort qui rôde et fait des ravages. Contrairement à tant d'autres, Vincent Borel est un survivant de cette époque, de cette cohorte d'écrivains, de cinéastes, de créateurs, de ces jeunes hommes maigres qui, comme lui, ont décidé de prendre le virus à bras-le-corps, de faire du sida, de leur sida, une œuvre. Plus qu'aucune autre maladie, le sida a ainsi généré une forme artistique singulière, un art qu'on pourrait dire de l'autofiction, à la fois témoignage et affirmation, trace et refus de la fatalité. Dire sa vie, dire sa mort en marche. Cela s'est fait sur des modes multiples, du désespoir de Christophe Bourdin à la révolte de Derek Jarman, du défi bravage de Copy à la mise à nu d'Hervé Guibert. Tant d'autres, dont la mémoire est encore vive. Guillaume Dustan, Jean-Luc Lagarde, Cyril Collard, tant et tant d'autres dont le souvenir et le nom se sont perdus, ont ainsi eu le courage inouï non seulement de se raconter, mais de raconter ce que leur combat intime portait le collectif. Faisant de l'art du sida, cet art du je, un art universel, celui d'une génération, d'une époque en état d'urgence. Un art, une littérature, pour briser ce silence ambiant dont un slogan disait alors qu'il était égal à mort. Le séropo évolue dans une zone où l'idée fait mal. Se savoir malade quand on ne l'est pas est insupportable, c'est sa douleur permanente. Mais le sida, on n'est pas obligé de l'avoir 365 jours sur 365. On peut aussi tout bazarder par-dessus bord car cette parano n'est pas vivable. Elle envahit le soi et l'attaque par le haut, par l'idée, la cervelle, la sensation, celle, profonde, qui fait déglutir et cogner dans le ventre, comprimer l'intestin et réveiller l'ulcère gastrique. Déchirement interne que l'on achève en filant au labo d'analyse pour faire le décompte des réserves immunes. Je me prépare alors le sang en mangeant la veille de l'ail cru pour chasser le vampire, et au petit matin, l'organe liquide jaillit rouge et mousseux dans l'éprouvette, bien fluide et bien leste sous les yeux de l'infirmière matinale. Bon sang bien préparé ne saurait mentir, même si l'on en a un peu gommé les statistiques futures avec ses petits arrangements clandestins avec la vie. Dans l'ordre, c'est d'abord un livre qui a mis du temps à s'écrire. Je l'ai commencé en 93 pour le publier en 95. Donc il y a eu un an de gros travail d'accouchement du livre. Il faut s'affronter à des choses un peu cauchemardesques quand même. On raconte pas une bluette. Il faut retourner dans la boue quand même, hein, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit aussi. Par ailleurs, il y avait le protocole compassionnel de Guibert. Je l'ai pas lu tout de suite, le protocole compassionnel. Je l'ai laissé un peu de côté parce que je vivais moi-même mon propre protocole compassionnel avec l'histoire de ce premier compagnon qui était médecin aussi, qui s'est lancé dans des recherches complètement délirantes pour essayer de sauver sa peau et de sauver notre peau dans les médecines alternatives, etc. Donc finalement, ça travaille dans l'arrière-boutique de l'écriture et ça la guide, quoi. C'est la structure. Les nuits fauves, ça m'a donné l'énergie de proposer mes propres nuits fauves aussi, parce que c'est un roman sur la nuit aussi, c'est un roman sur l'énergie qu'on peut trouver la nuit, et pas uniquement les bêtises qu'on peut faire la nuit, mais moi, je me mettrais dans une filiation presque de surréaliste, quoi. C'est la nuit qui nous guide, c'est la nuit qui nous éclaire quand on est jeune, c'est là que ça se passe, quoi. C'est là que le croisement des classes sociales, le croisement des gens, la fantaisie, la liberté, elle était dans ces nuits des années 80. Donc, Ruban Noir continue ça, parce que Ruban Noir commence quelque part dans une boîte extrêmement fameuse de Paris qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque le triangle des Bermudes, qui était tout ça, c'était entre la rue de la Ferronnerie, la rue Saint-Honoré, donc c'était le BH, il y avait le Broadside, il y avait le Broad, etc. Donc ça se passe dans ce milieu de la nuit assez folle, qui était la fin de l'épisode Paris branché les Halles, et qui allait se mettre un petit peu en berne à cause du sida pour redémarrer assez rapidement, avec la bande de fous, de jeunes fous peu nombreux, qui s'agitaient à la Luna rue Keller, sous les doigts de Laurent Garnier. On allait vers le bonheur, on allait vers le progrès, on allait quelque part vers la lumière, et il y a cela qui nous a rattrapés, avec cette étiquette de maladie de PD, qui faisait qu'en fait, tout le cheminement de libération qu'intimement on effectuait chacun de notre côté se trouvait maudit, par quasiment l'intégralité de la société à l'époque. Moi, j'ai vraiment le souvenir de cette nouvelle qui tombe à la télévision à 13h, le cancer homosexuel à New York. Et là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est quelque chose qui va... Moi, qui a déboulé dans mon existence, mais c'est juste au moment où j'ai commencé à m'accepter que c'est arrivé. J'ai pas eu un an de répit, je peux dire. C'était très fort et tout d'un coup, c'est devenu à la fois très fort et très tragique en même temps. La prise de la rencontre avec le sida, avec quelqu'un de mon entourage très proche qui est condamné à mort, quoi. On se disait, bon, peut-être que dans 2-3 ans, c'est fini. Stéphane, il avait 32 ans, il n'a pas passé ses 35 ans, donc on ne savait pas ça, mais quand le sida débarque, en plus on est obligé de se taire quand même, etc. Bon, lui, il était médecin, il savait un peu soigner, mais bon, quand la toxoplasmose débarque, et puis les zonas débarquent, et puis le Kaposi débarque, et puis après c'est l'interféron, le traitement à l'interféron, ramasser son copain en pleine crise d'épilepsie, boulevard de Sébastopol et tout, c'est l'horreur, quoi. Je veux dire, c'est l'horreur, et c'est pour ça qu'il fallait sortir aussi derrière, parce que sinon c'était, on se suicidait, quoi. Je veux dire, c'était tout simplement insupportable. Et Ruban Noir commence comme cela, c'est moi qui suis contaminé, c'est moi qui découvre la tragédie à l'intérieur de mon corps et qui part très loin pour tenter d'oublier. Moi, c'est assez amusant, mais la vision de Ruban Noir, elle m'est apparue, enfin, le désir en tout cas de faire un livre, ça m'est apparu à Barcelone en pleine fiesta. Je me souviens que je dansais comme un fou sur une piste de danse à 8h du matin et tout d'un coup, les mots me sont venus. Je sentais qu'il y avait une espèce de... C'est comme si des années et des années de lecture étudiante, de passion pour le roman américain, le roman latino-américain, etc. Tout d'un coup, tout ça m'avait nourri pendant des années, était resté quelque part dans ma tête. Et puis là, les vannes s'ouvraient, il fallait que, à mon tour, je raconte le monde, quoi, que je raconte ce monde-là, en tout cas. Donc, ça m'a ouvert à l'écriture. Enfin, ça m'a ouvert à l'écriture. J'y suis allé. J'ai plus eu peur. Voilà. Christophe Bourdin publie son unique roman Le Fil en 1994. Deux ans plus tard, ce court et bouleversant roman à l'écriture âpre, terrible et sans complaisance est lu sur France Culture à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Christophe Bourdin meurt l'année suivante, il avait 33 ans. Comment voulez-vous qu'on réussisse à accepter quelque chose dont on sait qu'on peut mourir? C'est tout à fait impossible. En tout cas, moi, je ne peux le vivre que dans la douleur. Donc, d'une certaine façon, avoir écrit ce livre a été une espèce d'échec pour moi, puisque la maladie avait, je dirais, encombré mon esprit et mon corps à tel point que je ne pouvais plus m'en défaire, même littérairement. Donc, je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, l'écriture de Phil était une réussite et un succès pour moi. Mais je n'ai pas pu échapper à l'écriture de la maladie. Je n'arrivais plus à m'abstraire littérairement, ni de moi, ni de ma maladie. D'abord parce que j'ai des goûts littéraires particuliers qui m'ont toujours orienté vers les grands auteurs égotistes qu'on connaît, de Montaigne à Gide. Et ne pas aborder le problème de ma maladie dans une perspective, je dirais, égotiste, dans un acte égotiste littéraire, aurait été pour moi chargé d'insincérité. Il y a dans l'aveu de grands dangers. Il y a dans la mise à nu de grands dangers. Savoir que je ne peux pas ne pas mourir du sida. Savoir que statistiquement, tous les malades en sont morts, en meurent ou en mourront, ne m'a pas encore, à ce jour et à mes propres yeux, rendu complètement mortel. Ai-je aujourd'hui encore quelques raisons d'être heureux de vivre? Il y en a peu. Et Il est clair que je ne suis plus aussi heureux de vivre. Depuis quelques années où la maladie a pris la totalité de mon corps. Parce qu'elle a aussi, ayant réduit, je dirais, ma capacité physique d'agir sur le monde, elle a aussi réduit mon univers mental, mon univers intellectuel, et j'ai l'impression que tout est réduit à ce que ce virus a fait de mon esprit, de mon corps et de mon esprit. Et je suis très malheureux de cette situation. Je me sens rapetissé intellectuellement. Et j'ai l'impression que j'ai perdu un certain nombre de curiosités. Certaines curiosités ont disparu, certains engouements ont disparu, et ceux qui se sont maintenus me semblent n'être liés de façon plus ou moins lointaine, plus ou moins proche, au virus. Par exemple, j'ai un goût, depuis quelques années, très prononcé, étrange, que je n'avais pas du tout, de certains peintres, comme Degonchil, qui est quand même l'un des grands peintres de la maladie, enfin de la représentation morbide des êtres, des silhouettes filiformes, des silhouettes étriquées, maigres, des personnes réduites à leur squelette. Et cet intérêt est tout à fait récent dans ma vie. Sans date. Je me suis demandé, pendant ma petite promenade matinale, en humant le printemps, dans la tiédeur de l'air rempli de nouveaux parfums, devant l'arrangement des parterres fleuris, s'il existait un jour, un moment de l'année, une saison idéale pour un décès. J'ai imaginé la météorologie de mon dernier soupir. J'ai écarté l'hiver et ses frimas. Et puis le véritable automne, ses pluies mauvaises et ses ciels gris, affolés de nuages, pleins de désordre et de rafales. Je crains que la mort ne corresponde alors à son cliché, à son pathos conventionnel. S'il était, il faudrait éviter les fortes chaleurs, les temps trop lourds, chargés d'humidité, poisseux de certains août. Mais je crois, si je pouvais vraiment décider de mon heure, que j'aimerais mieux une saison intermédiaire, ni trop pluvieuse, ni trop glaciale, ni trop tempétueuse, une simple éclaircie, une journée douce, légère, qu'on traverse sans la remarquer, près de n'être pas perçue, apesante, comme je voudrais que soit mon départ, pianissimo. Pourvu que je meure en mai ou en septembre. Look left, look down, look up, look right. Blue flashes in my eyes. Blue bottle buzzing. Lazy day. The sky blue butterfly sways on a cornflower, lost in the warmth of the blue heat haze. Singing the blue. Peu de réalisateurs ont embrassé la lutte contre le sida comme le britannique Derek Jarman. Dès la découverte de sa séropositivité en 1986, son travail protéiforme devient pour lui un instrument de résistance et de révolte contre la maladie et les discriminations qui y sont liées. Ses dernières œuvres, le livre Chroma, le film expérimental Blue ou son incroyable jardin du sud de l'Angleterre, sont ainsi des manifestes aussi intimes que politiques. C'est de toutes ces dimensions de la démarche du cinéaste disparu en 1994 dont s'est emparé le metteur en scène Bruno Gélin pour son spectacle intitulé Chroma. Chroma est une tentative d'autoportrait par la couleur, où on peut découvrir à la fois des souvenirs d'enfance de Jarman, des interrogations d'artistes, des réflexions sur le quotidien, des observations de la nature, de son jardin, mêlées à son journal d'hôpital. Donc il y a évidemment cette course là, cette urgence, et en même temps il émane de tout ça une forme de sérénité absolue. et quelque part de joie. Alors l'urgence est centrale, mais elle intervient comme une fabuleux moteur d'énergie, de vie, d'enthousiasme et de célébration. She's my number one. Même s'il y a cette urgence, même s'il y a cette sérénité, il y a malgré tout un rapport guerrier, va-t-en-guerre. On pliera pas, on restera debout jusqu'au bout. Et c'est très présent dans Chroma, en particulier dans Bleu, le chapitre qui consacre au bleu et qui est aussi utilisé dans le film. Il y a cette force de vie absolument incroyable, parce qu'à aucun moment c'est larmoyant, à aucun moment il fait appel au pathos. C'est ce qui fascine aussi chez Jarman, c'est comment il arrive toujours à trouver une réponse immédiate aux attaques, à la souffrance, à la douleur, à la maladie. Mais cette réponse là elle génère du verbe, de la poésie, des images, de l'espérance. Donc il était évident que si on voulait être au plus proche, modestement, de l'esprit de Jarman, il fallait qu'on soit en compréhension de cet élan-là, d'accrocher aussi une part guerrière pour aller porter encore aujourd'hui là, sa parole sur un plateau, sur une scène, et puis surtout, par respect, de ne pas s'auto-apitoyer sur notre propre sort, mais plutôt de profiter de cette espèce d'héritage plus que vivant. C'est nucléaire, il habitait à côté d'une centrale nucléaire, mais sans doute il a pris quelques atomes au passage, puisqu'il y a, cette explosion permanente de vitalité. Parfois, face à la mort, face à l'idée de la mort, ça développe aussi des formes de pulsions irrépressibles. On a très envie d'autres corps, on a très envie de baiser, même si son propre corps est abîmé. Il y a cette expression là qui est vraiment l'essence même de la vie, qui bien sûr s'exprime aussi par le corps, mais qui est cette espèce de petite flamme ou incendie suivant les moments qui vient consumer, y compris la vie. Finit par disparaître dans cette auto-consommation, mais qui n'est pas là pour rien, parce qu'au moins elle agit, elle éclaire et voilà, elle célèbre, quoi, elle célèbre constamment. Aller faire un voyage en pèlerinage à Dungeness, l'endroit en face Calais, sur la côte sud de l'Angleterre, où il avait une petite maison de pêcheur et un jardin. Voilà, une fois qu'on a intégré la personnalité, l'univers, les images, les mots, la poésie de Jarman, après on se met dans une sorte d'état presque de somnolence, pour accéder à une forme de rêve éveillé. Cher professeur, cher maître, je me suis permis de vous apporter des marrons glacés. Ça fait 2 ans que vous êtes dans mon service. Quelle charmante idée d'avoir pensé à l'anniversaire de mon sida. Comment je vais, cher professeur? Comment vous sentez-vous? Je suis très angoissé. J'ai peur de mourir sans avoir joué Richard III. Je voudrais vous poser une question. Quand est-ce que je vais sortir d'ici? Vous ne songez pas à nous quitter. La science a des exigences aussi impératives que le théâtre. Vous devriez être fier des succès répétés contre la mort dont vous êtes le héros dans ce temple de la science. Est-ce que la vraie mort qui vous guette a quelque chose à envier à la mort drapée en noir d'une scène de théâtre? Cher professeur, je suis très reconnaissant de votre affection pour le théâtre. Mais dans ce cas, Quand est-ce que je vais mourir? Et qu'est-ce que vous prenez là? 1 litre de suramine, comme toutes les semaines. Et 1 milliard d'unités d'interférons par mois, sans compter le quotidien. Bien, très bien. Pas d'accident de santé ces derniers jours? 2 arrêts cardiaques et 1 coma. Bien, très bien. Trop bien, même. Comment, trop bien? Et dans la réalité, vous devriez être mort. Je devrais être mort. Vous vous êtes survécu d'au moins 6 mois. Vous êtes sûr? Donc je serai guéri? Bien au contraire, bien au contraire, puisque je vous dis que vous devriez être mort. Vous me rassurez. Mais je reviens à ma première question. Dans la réalité, quand est-ce que je vais mourir? Mais vous ne mourrez jamais, cher maître. Votre nom nous survivra à tous. Je ne vous parle pas de mon nom, je parle de moi. Vous vivrez aussi longtemps que votre sida? Il est déjà arrivé à l'âge de 2 ans. Nous en reparlerons à l'occasion de son prochain anniversaire. Je passerai vous voir demain, comme tous les matins. Le plus frontal, c'est Copy. Mais il a quand même une forme qui fait que il le maquille un peu. Mais lui, il dit un chat, c'est un chat. Il dit qu'il rêve de ça. Il dit que voilà, il parle de mon sida comme d'une possession comme ça. Philippe Calvario est metteur en scène. En quelques années, il a monté Une visite inopportune, la dernière farce de Copy où celui-ci exposait avec verve son sida, mais aussi Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès et Le mausolée des amants d'Hervé Guibert dont il a lu des extraits en compagnie de Patrice Chéreau. C'est 2 pudeurs différentes, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui le nomment, je trouve, Copy et Guibert, et ceux qui ne le nomment pas et qui ne le nommeront jamais, c'est Lagarce et Coltès. Alors pourtant, rapprocher Guibert de Copy, on ne peut pas faire plus différent dans la forme. Mais il faut bien dire que c'est les deux qui ont lâché cette pudeur-là, en tout cas. Il n'y a pas de jugement à avoir, pudique, pas pudique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quand on est dans cette situation. Je pense, d'après ce que je sais de la fin de Lagarce et de Coltès, ils ont eu des trajets assez... Enfin, ils ont eu, des manières de réagir différentes. Je crois que Coltès a eu beaucoup de colère, il me semble. Je ne veux pas parler de trop d'intime, mais quand Lagarce a réussi à trouver un calme, il me semble. Et c'est vrai que ça se ressent. Là, pour le coup, si on est dans les 2 dernières pièces, Le Pays Lointain, c'est celle qui est la plus immense, la plus développée, avec un souffle le plus grand alors qu'il est en train de mourir. Et à l'inverse, Zucco est la pièce la plus rétrécie, la plus resserrée. Du coup, l'autre a trouvé un souffle alors qu'il était en train de le perdre. Et effectivement, Coltès, dans l'écriture, lui, perd le souffle, pour le coup. Il paraît d'ailleurs, Patrice Chéreau, avec qui je travaillais, me l'avait dit, que le manuscrit était complètement en patte de mouche parce qu'il n'arrivait même plus à tenir le stylo. Mais il voulait continuer à écrire à la main. Et il avait une secrétaire qui relevait comme ça ses notes, comme elle pouvait. Donc il y avait vraiment ce corps qui était abîmé, qui racontait ce corps un peu abîmé de Zucco. Et oui, cet intime était pour moi fulgurant. Et à la fin, c'est plus que des voix qui disent « il est là, il n'est pas là, il n'est pas là ». Les dernières choses qu'il écrit sont vraiment, alors là, de l'onomatopée, à bout de souffle, hein, pour le coup. C'est assez fort et assez beau d'avoir des textes comme ceux-là à défendre, parce que il y a une adéquation totale à mettre en scène une cérémonie, pour le coup, morbide. Enfin, pas morbide, mortifère, c'est sûr, qui raconte la mort, mais pas forcément de manière morbide. Parce que le morbide peut avoir quelque chose de mou. Moi, je pense que c'est des pièces dynamiques et presque de la dynamite, toutes ces pièces. Un jour, j'ai dit un peu méchamment, parce qu'on m'a dit vous êtes dans le théâtre et vous êtes malade. J'ai dit j'étais malade avant d'avoir les subventions, parce que 8 ans, c'est beaucoup d'années. Moi, j'ai su ça quand j'avais pas tout à fait 30 ans. Donc, c'est énorme. Donc, la plupart des spectacles que j'ai faits qui ont été vus, la plupart des pièces que j'ai écrites qui ont été jouées, j'étais déjà malade. Jean-Luc Lagarce, 1957-1995. Donc, quelque part... Je veux dire, je vis ça depuis plus longtemps que les autres, parce que les autres, bon, ils l'entendent aujourd'hui ou il y a quelques semaines ou je sais pas quoi. Mais moi, ça fait très longtemps. Donc c'est comme un parcours, 8 ans. Vous savez, le premier jour où vous savez que vous êtes malade, en plus à l'époque, on disait beaucoup de bêtises. J'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. Donc moi, quand j'ai su que j'étais malade, le médecin m'a dit, vous en avez pour 6 mois ou 1 an, si j'étais dans un état, disons, clinique statistiquement, qui en effet à l'époque, moi je lisais le journal, je savais qu'on avait tant de T4, ces fameux machins, je ne sais pas où ils se localisaient. Donc on m'a dit, Vous en avez pour 6 mois ou 1 an, cliniquement, et vous devez prendre vos dispositions, m'a-t-on dit. Et vous savez, ça fait un choc quand on a 30 ans. Ça fait un choc même quand on a 90, j'imagine. Et c'était il y a 8 ans. Donc, si vous voulez, c'est compliqué. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire des choses en me disant c'est la dernière fois. Et puis, ça s'est révélé que c'était pas la dernière fois. Donc maintenant, je pense que j'ai dépassé ça et que je me dis, on verra bien. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, très précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres et à eux, très précisément, toi, vous, elle. Cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. De ces 4 formes d'écriture pour raconter ce moment-là, cet intime-là, il y en a une ou deux dont vous êtes plus proche, dans votre intime à vous et dans votre rapport à vous avec cette maladie, son histoire, ses représentations ? Alors, en tant que metteur en scène, c'est vraiment Coltès et Zucco qui a été absolu pour moi. Philippe Calvario. Et en tant qu'acteur, puisque j'ai joué juste La fin du monde, en fait, pour d'autres raisons, mais je jouais Antoine, je jouais pas celui qui était malade. Mais ce qui fait avec la langue, j'ai jamais ressenti cette chose-là en tant qu'acteur. Et en fait, ça m'a mis dans une transe, la langue de Lagarce, proche de quelque chose qui aurait à voir avec la prise de produit. La langue de Lagarce transforme absolument le corps. Ça change sa température, ça change son tempo. Et toutes les écritures font pas ça. Voilà. Donc ça, c'était fou. Et agréable. Quelques mois avant sa mort à 36 ans, en 1991, Hervé Guibert, le corps faible et épuisé, se filme en train de faire de l'exercice, de danser sur cette musique, offrant là une des séquences les plus sidérantes de ce film estomacant qui est La pudeur ou l'impudeur, qui sera diffusé à titre posthume sur TF1. Avec une caméra vidéo, Guibert poursuit ainsi jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime soupir, le travail d'autofiction sacrificielle entamé avec le roman à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et qui a fait de lui le plus célèbre visage du sida en France, un beau visage d'ange, émacié, décharné, à l'agonie. Tantôt la visite à l'hôpital m'abat, tantôt elle me ragaillardit à cause de l'état des autres, qu'ils soient désespérants ou encourageants selon l'humeur. Je vois de jeunes garçons se dégrader très vite, en l'espace d'un mois ou deux. Le mourant doit sourire, et même s'il y arrive, rire. Je m'identifie à ce livre comme je ne me suis jamais identifié à aucun livre, parce que c'est vrai que c'est ma peau, c'est ma chair, quoi, c'est mon sang qui a... Et bon, c'est des mots un peu sacrés, un peu solennels peut-être, mais mon livre, c'est vraiment un hurlement, quoi. C'est vraiment aussi un appel au secours, quoi. J'ai l'impression, quelquefois, je me demande, est-ce que vraiment, par rapport aux informations qu'on peut décrypter dans la presse et tout ça. Est-ce que tout est fait vraiment pour les... pour sauver ces vies humaines qui sont en danger? On a l'impression quand même, c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression d'être dans... comme dans des sables mouvants et de tomber toujours un peu plus. On a l'impression d'avoir les mains hors de ce bourbier. Et on se dit, bon, on crie tant qu'on peut, tant qu'on a la bouche hors de la boue, mais faut pas que la bouche tombe trop bas, quoi. Il est question de me ponctionner sous anesthésie locale ce petit ganglion que je traîne depuis un mois, qui a tendance à s'enkyster. Je demande au médecin si je pourrais voir l'affaire. Non, répond-elle. Grâce au champ opératoire qui délimite l'intervention, vous ne verrez rien du tout. J'ajoute, mais sauf si je tiens un miroir. Et elle, vous seriez bien vicieux. Longtemps, j'ai pas voulu le prononcer. Je l'ai tenu le plus loin de moi possible. Non, le sida, c'est-à-dire forcément, comme il est à l'intérieur de moi, je peux pas. C'est à la fois un ennemi et je suis forcé d'être très attentif aussi à son intelligence un peu, enfin pas un peu, complètement diabolique. Le refuser, ne pas, je peux pas dire que j'aime le sida ou que j'aime avoir le sida, parce que ça serait vraiment tiré par les cheveux. Enfin, ça serait pas juste, ça serait faux en même temps. Je lutte contre lui, c'est mon ennemi, mais à la fois, il est en moi, il fait partie de moi maintenant. Enfin, il est devenu mon travail, il est devenu, et ça a été comme un barrage qui a cédé, quoi. Je l'ai fait très rapidement, je l'ai fait dans une très grande solitude. J'étais à Rome, à la Villa Médicis. Et c'est vrai que, bon, la maladie m'a, de façon prématurée, quoi, dans mon travail d'écrivain, m'a peut-être amené à une maturité dont j'étais très très loin, quoi. Peut-être c'est un livre, si j'avais pas rencontré cette expérience, peut-être c'est un livre que j'aurais pu faire, je sais pas, très âgé, ou bon, c'est la conscience de la mort, c'est ce qui en découle, c'est tout ça, quoi. Mais c'est... Suis-je en retard? Est-ce qu'ils t'ont déjà enterré? Sophie Kahl, No Sex Last Night. Hier, au moment d'élever du corps, je me suis sentie si seule à New York, si loin de toi, qu'au moment même où ils t'emmenaient, j'ai composé ton numéro de téléphone dans l'espoir d'entendre une fois encore ta voix. Et tu as parlé. Pu raccrocher, je t'ai laissé un message. Tu aimais les pivoines. Je n'ai pas pu en trouver. Et je ne sais pas pourquoi cette photo de Sainte-Sara. Je me souviens du jour où tu t'es baigné dans l'eau de mon bain, à Kyoto. Tu m'as dit que c'était l'expérience la plus érotique que tu aies jamais eue avec une femme. Je me suis toujours demandé si c'était vrai. Je n'arrive pas à me souvenir des derniers mots que tu m'as dit sur le palier devant chez toi. La dernière fois. Au revoir, Hervé. J'ai décidé de cesser de dire que ça me rendait triste de plus écrire, parce que je me suis dit, bon, ça va devenir une ritournelle sempiternelle. Ah, j'écris plus, ah, je suis triste de plus écrire et tout ça. Bon, j'ai décidé plutôt de renverser un peu la vapeur et de me dire que c'est pas une impuissance, que c'est pas un vide, que c'est quelque chose de très déterminé, de très constitutif, et que c'est une façon aussi de délimiter, c'est-à-dire après ce livre, je crois que j'ai une responsabilité vraiment, je peux pas écrire n'importe quoi, je peux pas écrire une pochade, je peux pas non plus écrire la suite, je crois. Je sais pas. J'écris mon journal depuis 10 ans, mais ces choses-là, j'écris pas tous les jours. J'écris vraiment que ce qui est absolument nécessaire pour moi d'écrire. Mais par exemple, vous voyez, dans mon journal, bon, j'écris fibroscopie gastrique, mais j'écris point, je tire un trait, je dis pas ce que c'est, je dis pas ce que ça m'a fait, je dis pas... Pour l'instant, je peux pas les raconter. Tu sais, quelquefois, depuis son opération, ça m'arrive de penser lequel de nous deux va crever le premier. C'est monstrueux, non? crois pas que ça m'arrive de penser la même chose. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? C'est à cause de cette fille? Tu préfères quand je vais avec des mecs? Ça me regarde pas. On t'a toujours laissé libre. Sauf que la première fois que j'ai ramené un mec à la maison, ce Danois qui s'appelait John... De toute façon, tu m'aimes pas ce garçon. Pas plus que tous ceux qui ont suivi. Qu'est-ce que tu en sais? Jean, ce virus peut te rendre capable d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer, toi? Je l'ai su. Bon, c'est un roman. C'est un roman parce que je revendique qu'il y a une écriture, que c'est littéraire. Maintenant, les choses dont je parle, même si elles ne sont pas toutes exactes, il y en a qui sont inventées, mais en général, ce sont des choses qui sont passées par moi. Ces endroits dont tu parles, comme ça, ces souterrains de la ville, enfin, c'est des espèces de backroom en plein air. C'est où, ces endroits comme ça, où les gens sont des... Moi, je décris un endroit qui est entre près de la gare de Sterlitz, entre le pont de Sterlitz et le pont de Bercy. C'est pas très grave l'endroit où ça se trouve, parce que je vais pas faire un itinéraire fléché. C'est pas un guide. Non, c'est pas un guide. Tu y vas souvent? Moi? Ouais. Ça m'arrive. Ça t'arrive? La dernière fois, c'était quand? Oh, il y a un mois. Ah ouais, quand même. En 1989, Cyril Collard est interviewé par Thierry Ardisson pour parler de son premier roman autobiographique. Avant de mourir à 36 ans, en 1993, il aura le temps d'en faire l'adaptation cinématographique « Ces nuits fauves, polémiques, phénomènes et générationnels » qui obtiennent quelques jours après son décès le César du meilleur film. C'est finalement, la peur, l'angoisse, elle est surtout plus grande avant, je crois. Parce qu'avant, tu te dis « c'est pour moi, je vais y avoir droit ». Peut-être que c'est parce que c'est l'éducation judéo-chrétienne, tu as cette espèce de conscience de la faute. Culpabilité. Mais finalement, quand le test est fait... D'une certaine manière, on a moins peur. Et quand le test dit que t'es positif? Mais tu sais, c'est une espèce de lutte qui commence. Mais pas vraiment, justement. Parce que moi, je trouve que le personnage, à partir du moment où il sait qu'il est séropositif, on pourrait penser qu'il va se mettre à vivre calmement, qu'il va aller à la campagne, boire du bon lait de vache. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend jamais autant de coke, il prend jamais autant de Braun, et il sort jamais autant la nuit. Comment ça se fait? Ça, c'est suicidaire complètement, ça. Non, je crois que c'est une évolution. D'abord... Le fait d'être séropositif, c'est pas une exclusion. Non, c'est pas une exclusion, mais enfin, a priori, on aura envie de se ranger un peu des voitures, non, je sais pas. Pourquoi? Non, t'as envie de vivre, c'est tout. Enfin, c'est un monde assez crépusculaire, quand même. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'amour, d'amitié, encore moins de mystique, quoi. C'est quand même très froid, tout ça. Crépusculaire, non, je suis pas d'accord. À partir du moment où le narrateur, il se pose, c'est quand même écrit, noir sur blanc, « je ne sais pas aimer ». Je veux dire, quelqu'un qui dit « je sais pas aimer », ça prouve quand même qu'il se pose la question, que l'amour, c'est au centre de sa vie. Reconnaître ses incapacités, ses doutes, c'est quand même aussi un privilège de l'homme qui pense. Ton avenir, tu le vois comment? Eh ben écoute, je vais tourner un film en décembre, j'ai des idées de bouquins, je vais peut-être faire un film avec ce livre, et puis peut-être que je vais apprendre à aimer un peu plus. Là, ça devient hard parce qu'on va baiser, je me déshabille, donc je coupe. Qu'est-ce que je peux montrer? Je vous montre en accéléré, hein, attends. Là, je filme la porte. C'est pour montrer que c'est très joli. La porte? Ouais, ça, normalement, ça fait pleurer. Guillaume Dustan, 1965-2005. Et c'est quoi? C'est la porte? Ouais, c'est... C'est la porte, je vais pas pleurer. Je voudrais que mon tombeau, ce soit une bite, une énorme bite géante, en or, de 10 000 mètres de haut. I'm happy, I'm hairy, I'm gay, I'm born this way, comme dit la chanson pour homme. Le tube de l'été, L-H-E-T-E. La la la la la la. Dieu, le diable, Disneyland, le prisonnier. Dieu est un con, voilà, parce que quand on est bon, on est con. Quand on est vraiment bon... On ne pense pas au mal, jamais, jamais on est con. C'est clinique quand on est bon. Eh bien Dieu, il est comme ça, c'est un cas clinique. Jamais une mauvaise pensée, rien, l'ennui mortel. La demande d'amour et l'offrande est perdue. Et puis c'est tout, c'est tout. Et en un sens, oui, c'est vrai, c'est bien tout. C'est le sens, c'est le sexe, c'est la vision. Totale, innocente. C'était les teubis, c'est le soleil même, avant, quand je ne connaissais pas le mal. Moi, je pense que mes bouquins, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que t'es avalé. Moi, je suis l'héritier de Duras, Guibert, Renaud Camus. Enfin, en France, c'est ces gens-là qui ont commencé à parler d'eux et à dire que ça pouvait être de la littérature. Donc j'ai raconté. Puis en plus, je trouvais que c'était intéressant de raconter des choses qui se faisaient beaucoup, c'est-à-dire la drogue, la baise sans capote, le SM, tout ça, et puis dont on parlait pas parce que ça avait pas droit de citer dans l'image que les homosexuels qui avaient le droit de parler véhiculaient de l'homosexualité. C'était un truc quand même très très clean, très conforme. C'est pas du tout une lesbienne noire, Dieu, ça se saurait. C'est clair, Dieu est un petit blanc hétéro. Dieu, il vaudrait qu'on soit sage, que ce soit Disneyland. Il a tellement peur de tout ce qui dérange Dieu, de tout ce qui est fort, sombre, profond, comme le sexe, comme la mort. Alors il voudrait tellement, tellement qu'on soit tranquille, et sage, et simple, et gentil, gentil surtout. Qu'on mange à l'heure, qu'on dorme de bonne nuit, il voudrait qu'on soit mort en fait, quoi. Et comme Michel Houellebecq et pas mal d'autres, il voudrait que la sexualité n'existe pas. Il n'y a rien de caché dans ce livre-là, je me lis... C'est vrai que je me livre, je l'ai... Vincent Borel. C'est des livres que j'ai pas relus. Enfin, Vie et mort d'un crabe en plus. Totalement terrorisé par la chose que des exemplaires d'auteurs sont toujours à la cave dans un carton. J'ai jamais ouvert le carton depuis 20 ans, de peur de voir ressurgir la chose. Ça, c'est peut-être le secret, oui. Le secret, c'est cette hantise profonde, cette hantise profonde de la mort, oui, qui est à laquelle on n'a pas envie de s'affronter parce qu'on a 30, qu'on a 40 ans, que c'est pas l'âge, c'est pas le moment, qu'on est comme tout le monde, qu'on a la pétoche, et finalement, écrire de tels ouvrages, c'est tourner autour de sa peur de sa peur de la mort pour mieux la cerner et pour mieux la dompter. Il est peut-être là le secret final. Mais le secret final, c'est le point final. Donc c'est très embêtant. Je pense pas que ça soit d'exhibitionnisme, mais il y a de la joie à mettre sur le papier les choses telles qu'elles sont, les fantasmes tels qu'ils arrivent. Et je pense que c'est aussi important de raconter les choses telles qu'elles sont. Je suis pas pour un espèce de déni un peu schizophrénique qui est tenez par exemple qui est celui aujourd'hui qu'on entend sur une autre épidémie qui est en train de ravager la communauté homosexuelle dont personne ne va entendre parler bien que tout le monde en parle, qui est le chemsex par exemple. Voilà, c'est-à-dire ça fait quand même des morts chaque week-end, mais on le tait. Donc Ruban noir ou Vie et mort d'un crabe, enfin surtout Ruban noir, c'est le non déni de la chose. C'est bah oui, c'est on va vous expliquer la joie des backrooms, on va vous expliquer la joie du sexe orgiaque un peu n'importe comment. On n'est pas, il y a pas de honte, on assume la chose et il y a une jouissance à l'écrire et il y a aussi une jouissance à le lire. Donc voilà, c'est un Il y a quelque chose qui est assez surprenant quand on a connu ces expériences-là, c'est qu'on devient, j'ai envie de dire, qu'on devient totalement nietzschéen. C'est-à-dire qu'on est définitivement passé par-delà le bien et le mal, et qu'on a une vision ailleurs de la société, de la famille, de l'affection, du couple, du relationnel, etc. On est comme une espèce de philosophe un peu solitaire qui regarde se passer les choses en sachant que il y a tout un monde auquel il ne peut plus participer. Peut-être que il se dit assez souvent que son devenir est à 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas plus. Donc ça induit une philosophie, un regard sur le monde qui est tout à fait différent et qui est un regard à côté. Moi, j'aime bien ce côté Nietzsche. S'il y a une philosophie moderne aujourd'hui, c'est bien celle de Nietzsche, quoi qu'on en dise. J'ai toujours dit que quand je me suis retrouvé séropo, je me suis retrouvé dans la tête de l'homme de Turin. Voilà, au moment où Nietzsche, totalement dépassé par la syphilis, perd pied. Nous, on réinvestit ce champ-là, on continue d'écrire après la folie de. Après le départ, pas la folie, mais après le départ silencieux de Nietzsche de cette terre. Oui, sorry, my baby is Quand la création raconte le sida, dire sa vie, dire sa mort. Avec Vincent Borel, Bruno Gélin, Philippe Calvario. Documentation INA, Marine Decamp. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Didier Rodbétony. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez danser encore, bibliographie, lien, et nous podcaster pour ne pas oublier ou nous réécouter dans le Marais, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, deuxième étape, corps souffrant, corps combattant.